dalle. Ils veulent des passifs, ils font jamais tourner la balle. On m'a dit faut que tu vois loin, faut tourner la page. Tout sur la banane, les trop la dalle. Ils veulent des passifs, ils font jamais tourner la balle. On m'a dit faut que tu vois loin, faut tourner la page. Font les capots, les crapuleux comme Renato. S'ils veulent ma peau, dis-leur que j'ai 400 chevaux sous le capot. Et ils ont beau critiquer mon sang, ils sont accro. Et ils sont beaux, ils me font des grossistes comme Damblo. Eh ouais mon pote, c'est pas ma faute si j'ai trop la cote. Va la faire à d'autres, ta femme elle, elle m'adore. Cherche mon trésor, oh, oh ouais ma gueule. J'ai vu de ses folles, t'as vu ma gueule. Toujours la banane, les crocs, la dalle. Ils veulent des passifs, font jamais tourner la balle. On m'a dit faut que tu vois loin, faut tourner la page. Sur la banane, les gros, la dalle. Ils veulent des passifs, faut jamais tourner la balle. On m'a dit, faut que tu vois loin, faut tourner la page. Wesh, mon petit, faut apprendre à fermer ta bouche. Ferme ta gueule, car pas travers quand je suis au feu rouge. Wesh, mon petit, faut apprendre à fermer ta bouche. Ferme ta gueule, car pas travers quand je suis au feu rouge. Miss Show, ils ont tout mis dans le naso. J'ai mon poteau qui veut maltraiter son co. Et calmato, je vois que la mista mierato. Même solo large dans l'eau, j'avancerai avec mon radeau. Et je parle pas trop, quand je dis que j'esquive les plateaux. Moi je parle pas trop, je me suis cloué le bec au marteau. Quoi, je mêle ma vie, histoire, rien à toi. T'expendras-tu, je veux dire ce que je pense, mais je me lâche pas. Ouais, c'est alors cognon, je fais des poussettes, mais y'a foyer. Comme Montana Antonio, je fais un tigre dans mon foyer. Wesh alors cognon, tu fais des poussettes mais y'a foyer. Comme Montana Antonio, je fais un tigre dans mon foyer. Toujours la banane, les crocs, la dalle. Ils veulent des passifs, font jamais tourner la balle. On m'a dit faut que tu vois loin, faut tourner la page. Toujours la banane, les crocs, la dalle. Ils veulent des passifs, font jamais tourner la balle. On m'a dit faut que tu vois loin, faut tourner la page. Wesh mon petit, faut apprendre à fermer ta bouche. Ferme ta gueule, regarde pas travers quand je suis au feu rouge. Wesh mon petit, faut apprendre à fermer ta bouche. Ferme ta gueule, va pas travers ton chauffeur rouge. Wesh mon petit, faut apprendre à fermer ta bouche. Ferme ta gueule, va pas travers ton chauffeur rouge. Wesh mon petit, faut apprendre à fermer ta bouche. Ferme ta gueule, va pas travers ton chauffeur rouge. Wesh mon petit, faut apprendre à fermer sa bouche. Ferme ta gueule, va pas travers ton chauffeur rouge.